Ah mon amour, ah mon amour, ah mon amour. Certes, je n'ai que 5% de spermatozoïdes vivants. Mais on fera quand même 60 gamins, ne t'inquiète pas. On les appellera Jésus, Robespierre, Bonaparte, Oussama, comme tu voudras. Ma chérie, ma chérie. Jésus Junior Mouillon, Robespierre Mouillon, Adolphe Mouillon, Joseph S. Mouillon, Don Quichotte Mouillon. Ah, ils seront une armée dans la cour de récréation, qu'ils réciteront du Jean-Pierre Voyer. Bonaparte Mouillon dira: hé, hey, bande de connards, lui c'est mon frère, il s'appelle Oussama, et elle c'est ma sœur, Cléopâtre. Ah ma chérie, ah ma douce, j'ai beaucoup de mal à m'enlever cette petite douleur dans le ventre, due au fait que tu ne sois dans mes bras, et aussi à cause de ma lâcheté légendaire. Demain je me bouge le cul, il faut que je travaille 2-3 ans, il faut que je travaille 2-3 ans. Pour me constituer du capital. Et ensuite te faire un Oussama, un Bonaparte, un Robespierre, un tout. Je t'aime, ma douce. Je retourne à mon Batman, un peu apaisé. Je t'aime. Je t'aime. Tu es ma bouée de secours dans l'océan du suicide. Quel romantisme, mais vrai. J'ai rien à foutre. Rien à foutre. Je vais y aller à l'usine. Mais que pendant 3 ans. Après, j'économise comme un rat et je crée une cave d'alcool de luxe. Cognac, armagnac, champagne, whisky, etc. Ma chérie, mon amour, tu tiendras la caisse quand je serai trop sous. Et si ça marche, je deviens éditeur. Et si ça marche, je... Si ça marche, je deviens éditeur. Si j'édite Alexis de Hamilton. Si j'édite Maxime Girard de Mailly. Si j'édite Laurent James. Je crée un parti politique. Et puis si ça marche, putain, nom de Dieu, on prend l'Elysée et on le met en ruine. Et putain, depuis tant que j'en rêve de prendre les gérants des agences d'intérim. Ah mon amour, je t'aime. Putain, mon amour, c'est fini la belle musique et les belles bâtisses. À minuit, en rentrant de l'usine, j'irai tous les jours faire caca sur la place publique devant l'église. D'ailleurs, après 2 années du gym Michelin, je suis certain qu'on est capable de poignarder le premier qui vient de venu. Une belle soirée d'hiver. Je te dirai. Je t'aime.